bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 153.0. On est présentement en direct du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Je suis en congé aujourd'hui. On est quoi? On est lundi. Ce week-end, j'étais au chalet. Je suis monté samedi matin au chalet. C'était le temps des vendanges. C'était le temps de ramasser le raisin. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé le raisin, avec moi puis mes parents puis Antoine. Mon neveu. Et puis après ça, on a égrené le raisin. Après ça, on l'a passé dans un broyeur à glace pour défaire les raisins, faire le jus. Puis là, on a mis ça dans des chaudières alimentaires pour faire notre vin. On a mis du sucre pour chaque 16 tasses de raisin. Ma mère nous faisait mettre 2 tasses de sucre spécial pour le vin là, qui permet de faire fermenter. Puis là, pendant quelques jours, il faut laisser fermenter. Puis après ça, on va le refiltrer, puis les garder simplement le jus. Puis pendant un an, ça va être dans une bouteille, puis ça fermente, ça fait des pop-pop. Puis le vin là, est prêt un an plus tard. Puis en même temps, on a goûté au vin de l'année passée. Ma mère en avait fait une grosse tourie, plus une petite. Puis les deux sont complètement différents. Dans la grande tourie, le vin, je le trouvais délicieux. C'est sûr que nous, on y a goûté avec une pipette, puis il était chaud. Mais une fois qu'il va être au frigo, là, dans une bouteille, puis qu'on va l'ouvrir, je pense que ça va être délicieux. Il goûtait très bon. Puis celui dans la petite tourie était plus sucré. Il était plus au goût de mon papa. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai fait ce week-end. Puis je suis revenu en soirée parce que mes parents avaient quelque chose à faire en ville le lundi. Donc, je me suis dit, bien, je vais redescendre tout de suite dimanche soir. Je suis revenu vers minuit chez moi pour me permettre de profiter de mes 2 journées de congé, là, lundi et mardi, chez moi. Puis là, ce lundi, bon, il m'est arrivé quelque chose. Je suis allé au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Et je suis tombé, bon, par erreur, sur un artefact maudit. Donc, on va écouter une chanson, Christine and the Queen. Je pense que c'est le titre, c'est « Je ne disparaîtrai pas ». Puis au retour, je vous raconte l'histoire là, de l'artefact maudit, bon, qui a failli me coûter la vie. Donc, au retour, je vous parle de ça. Bon Lobster 153. Tu crois toi. Pourrais-tu m'aimer? Ça, j'en doute. Ça, j'en doute. Quand tu ne prends ce que tu veux de moi. Quand tu prends, quand tu n'aimes ce que tu veux de moi. Quand tu n'aimes, quand tu ne veux qu'une partie de moi. Pourrais-tu m'aimer? Ça, j'en doute. Ça, j'en doute. Quand tu ne prends ce que tu veux de moi. Quand tu prends, quand tu n'aimes. Dans le Lobster 153.0. On est toujours en direct du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui est situé à Rigaud. C'est magnifique. Présentement, je suis assis à l'endroit. Il y a comme des bancs extérieurs, des bancs d'église. Il y a de la place pour, je sais pas moi, si on dit 6 personnes. Bon, disons, de 500 à 1000 personnes peuvent s'asseoir dehors. Il y a des ça. Il doit y avoir 200 bancs d'église dehors qui sont en face d'une belle chapelle là, à flanc de montagne. Puis un peu à droite de cette belle chapelle, il y a le sanctuaire où c'est comme une grotte. Puis à l'intérieur, il y a une source d'eau qui sort. Et on peut allumer des lampions, puis il y a la statue de Marie. Bon, c'est un sanctuaire qui a été fait en l'honneur du sanctuaire de Lourdes à Paris. Mais pas à Paris, en France. C'est un endroit où, la Sainte Vierge serait apparue 16 fois. Donc, il y a un des religieux ici, là, du Québec, qui a, dans les années 1874, je crois, qui a démarré là, le projet de construire un sanctuaire pour commémorer ça ici au Canada, au Québec. Puis là, depuis ce temps-là, là, ça reste un beau lieu de culte. Puis c'est ça, tantôt, quand je suis arrivé ici, bon, je suis allé directement à la chapelle, là, aller voir les choses à l'intérieur, voir les statuettes. Puis après, je me suis rendu dans la caverne où ce qu'on peut avoir l'eau et les lampions. Puis là, c'est là que mon aventure a débuté parce que, bon, j'avais pas d'argent. Puis là, j'ai quand même allumé un lampion parce que, bon, mon frère au travail, il y a un de ses collègues qui s'est brisé la jambe, là. Puis je voulais allumer un lampion pour cette personne-là, qui est une personne de petite taille. Donc, vous savez que j'aime prendre soin de ces personnes-là. Donc, j'ai allumé un lampion, mais je n'avais pas d'argent. Bon, je ne sais pas si c'est considéré comme du vol. Mais tout de suite après avoir allumé mon lampion, j'ai vu qu'accroché à la statue de Marie, bon, il y avait un beau, comment on appelle ça, un chapelet là, qu'on se met dans le cou avec une croix. Bon, il y en avait deux. Puis là, bon, j'ai dit, bon, je peux toujours en prendre un pour moi. Bon, le but, c'était de le donner à mon frère. Je voulais lui en faire cadeau. Donc, j'ai pris le chapelet. Bon, j'imagine que c'était mon deuxième vol de la journée. Puis là, je suis parti. Puis tout de suite après, bon, il commençait à se passer des choses un peu bizarres. La première chose, tout de suite après, en sortant de la caverne, puis après avoir pris le chapelet, il y a un gros écureuil noir qui m'attendait. Puis je me suis mis à le filmer, mais l'écureuil ne bougeait pas. Il était couché de tout son long. Il tirait toutes les pattes en arrière. Il ne bougeait vraiment pas, mais il faisait juste tourner la tête vers moi. Puis je m'approchais, puis il restait là. Puis j'ai dit, d'après moi, il n'est pas content. Fait que bon, je l'ai laissé faire. Je ne sais pas. Je ne comprenais pas au départ là, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce que ça voulait dire, si c'était un signe. Puis là, bon, j'ai continué à marcher dans la forêt. La première chose qu'on rencontre sur le Mont-Rigaud, c'est le champ du diable. C'est un champ rempli de roches. Bon, la légende dit que c'est un cultivateur qui ne voulait pas aller à la messe le dimanche, puis qui a préféré continuer à travailler la journée du jour du Seigneur, puis pour lui faire comprendre que ce n'était pas une bonne chose de travailler le dimanche, qu'il fallait aller à l'église. Mais le Seigneur a transformé son beau champ de terre fertile en champ de roche. Donc, c'est ça la légende autour de ce champ de roche-là, qu'on appelle le champ du diable. Donc, moi, j'ai pris le chemin, le sentier à sa gauche. Un beau sentier que je prends tout le temps pour monter sur le mont Rigaud, puis je reviens toujours par la droite du champ. Ça prend environ 20 minutes monter sur le dessus du mont, puis 20 minutes, bon, 15 minutes redescendre. Puis là, tout de suite en prenant le chemin, j'ai senti que quelque chose me tenait la jambe. Puis tu sais, quand tu marches dans la forêt, bon, ça arrive, tu t'accroches les pieds à quelque part, puis tu fais juste bouger le pied, puis tu continues à avancer. Mais là, c'est ça, j'ai bougé mon pied, mais la chose relâchait pas ma jambe. Puis là, j'ai vraiment pris une débarque à terre. Puis je suis tombé direct sur une roche. En plus, c'est le genou où ce que j'ai une maladie, là. Bien, la maladie ne me fait rien, ça, le nom de maladie, je vous l'ai déjà dit, l'Ostergoodschlatter. C'est juste ma rotule qui est comme ressortie un peu à cause d'une inflammation en dessous. Puis à cause de ça, j'ai le genou plus gros, mais moi, ça ne m'affecte pas. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est du ski alpin, là. Mais bon, j'aime pas le ski alpin. Ça, donc, ça ne change rien pour moi, mais ça reste que la rotule, le bout du genou, il est très sensible. Puis là, je suis tombé direct dessus. Puis là, j'avais tout le genou en sang. Puis là, en me relevant, la première chose que j'ai vue, c'est comme un serpent. Ben, c'était une couleuvre. Elle était rouge et verte. Puis là, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, là, c'est-tu un signe qu'on m'envoie, que le Seigneur m'envoie aussi par rapport au vol du chapelet puis du brûlage du lampion sans payer? Puis là, bon, j'ai dit, ben, je vais continuer. Puis là, je continuais à marcher dans le chemin. Puis là, tout autour de moi, ben, c'est une forêt de chênes et de frênes. Puis tout autour de moi, j'entendais poc! Poc! Partout, il tombait des glands. Puis là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, check bien, là, t'sais, il meurt plein de gens à cause qu'ils reçoivent des noix de coco sur la tête. Check bien si j'ai pas une noix de 10 livres qui me tombe sur la tête pour me punir. Fait que là, j'ai pas compris tout de suite qu'est-ce que ça voulait dire, les glands qui tombent autour de moi. J'ai compris en redescendant. Bon, je vous en reparlerai tantôt. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais vu que j'ai compris juste en revenant, je vous le raconte plus tard. Donc, j'ai poursuivi mon chemin. Donc, j'ai gravi la montagne. Puis, cinq minutes après m'être blessé au genou, ben je montais, j'avais toujours le genou en sang. J'ai vu une deuxième couleuvre. C'était la deuxième. Cette fois-là, elle était toute petite, mais elle était noire. T'sais, puis on se souviendra que, bon, au début, dans la Genèse, dans l'histoire là, reliée à la religion, ben vous le savez, là, Adam et Ève vivaient au paradis. Puis la raison pourquoi on ne vit plus au paradis, c'est justement ça. C'est justement le serpent qui a dit à Marie, qui l'a incité à prendre une pomme. Puis c'est ça qui a fait qu'en bout de ligne, on a quitté le paradis, puis on est sur Terre pour expier nos crimes. Donc, là, c'est là que je me suis dit à réfléchir, puis à dire, c'est-tu un signe qu'on m'envoie là, les couleuvres? Les signes du serpent. Et là, bon, j'ai fini par arriver sur le dessus du chemin, non sans douleur, là, avec mon genou qui me faisait mal. Puis j'ai même vu un aigle. Puis quand j'ai vu l'aigle qui tournoyait au-dessus de moi, j'ai dit « check bien s'il ne me descend pas sa tête ». Mais non, bon, j'ai réussi à arriver sur le dessus. Arrivé en haut, bon, j'avais amené avec moi un perro, là, les figurines que je cache un peu partout. J'avais amené une figurine avec un message qui disait « Si vous la trouvez, laissez-nous un petit message sur la page web de Où est Perrault sur Facebook. » Donc, j'ai laissé la figurine en haut. Et tantôt, je vais vérifier là, si quelqu'un l'a trouvé et nous a laissé un message. Puis c'est ça, en marchant, et sur le dessus du mont Rigaud, il y a un point de vue qui est magnifique. Mais c'est pas où ce qu'il y a. Sur le dessus, il y a la croix et comme une affaire de construit pour qu'on soit plus haut. Mais si on marche encore un petit peu, bien, on arrive à un endroit où ce que là, on voit tous les champs loin avec le Saint-Laurent. C'est la plus belle vue. Puis à chaque fois que je me rends là, bien, je me rends à cet endroit-là. Puis en me rendant à cet endroit-là, là, par terre, j'ai trouvé une belle paire de lunettes de soleil. Moi, j'ai même pas de lunettes de soleil dans ma voiture. Fait que là, je me suis dit, waouh! J'ai dit, est-ce que je les prends pour moi? Mais là, j'avais la chienne encore. Tu sais, j'avais le chapelet maudit autour du cou. Puis avec le genou en sang, je me suis dit, bon, je vais plutôt chercher à qui ça pourrait être, ces lunettes-là. Donc, j'ai regardé. Il y avait des gens qui étaient assis à l'endroit où on a la belle vue, là, trois jeunes dames. Je suis allé voir, c'était pas à eux, c'était pas à elles. Puis là, je suis allé voir un autre endroit, puis il y avait une dame puis un monsieur qui était assis là. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est à vous les lunettes? Puis ils m'ont dit, ben oui. Puis là, la femme a dit, c'est là qu'elle m'a passé un message. Ah ben, pas passé. Elle a dit, ah, c'est le fun, les gens honnêtes. Puis là, le monsieur a dit, il dit, ah oui, il dit, on rencontre juste des gens honnêtes. Il dit, en général, il y a 9 personnes sur 10 qui sont honnêtes. Puis là, je me suis dit, c'est-tu un signe encore, tu sais? 9 sur 10, le 1, c'est-tu moi qui a volé le chapelet puis qui allume des lampions? Fait que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je veux pas mourir en redescendant, je pense que je vais aller payer mon lampion en arrivant puis faire bénir mon chapelet maudit que j'ai volé. Donc, je suis redescendu en bas. Tout le long, quand j'entendais des bruits, j'avais peur. J'ai revu encore un serpent. J'ai vu une troisième couleuvre, encore une verte et jaune en descendant. Je me suis dit, c'est encore un avertissement. Et quand je suis arrivé en bas, ben, je suis allé immédiatement là, ils ont comme une boutique où ce que les prêtres sont. Et j'ai fait le tour avant, puis là, c'est là que un des personnes qui était à l'extérieur, là, je ne sais pas si lui est prêtre ou... en tout cas, je ne sais pas son rang dans l'église, mais là, il m'expliquait qu'il devait quitter justement le 43 Saint-Viateur, là, un endroit où ce que les prêtres avaient. Mais là, ils ne sont plus assez, donc ils ont vendu l'endroit, puis ils doivent se reloger. Puis là, en ce moment, ils sont en train de vendre les antiquités qu'il y a dans cette chose-là. Donc, il m'a montré une belle croix qui est comme en tôle. La croix est immense. Elle fait plus que un pied, deux pieds. C'est une croix de 2 pieds de long. On dirait une croix mexicaine. Elle a été peinturée comme en orange et jaune. Je dis mexicain, là, c'est parce que les couleurs me font penser au Mexique. Bon, en gros, je l'ai acheté cette croix-là. Puis dessus, qu'est-ce qu'il y a de peinturé? C'est tout peinturé à la main. Dans le haut, tu as Jésus. C'est de l'art naïf. Là. Tu vois être Jésus dessiné avec un auréole autour de la tête. Autour de lui, sur le côté droit et gauche de la croix, tu as 4 apôtres à gauche, 4 apôtres à droite. Puis à côté de lui, en haut, il y en a 2 autres. En tout cas, ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait que les 12 apôtres sont là avec Jésus. Puis en bas, sur la branche du bas de la croix, bon, tu as nous, les humains normaux, qui sont en bas de lui. Il y a 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 15. Il y a 14 personnes, des hommes et des femmes, et un enfant qui sont là avec les bras dans les airs, un peu, ceux qui ont des bras. Donc, j'ai acheté la croix. C'est une antiquité qu'ils avaient dans les choses. Ils me l'ont vendue 20$, 5$. Et là, c'est là que j'ai décidé d'aller voir le prêtre là, à l'intérieur. Puis, je lui ai demandé de bénir l'artefact maudit que j'avais autour du cou. Là. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, pouvez-vous bénir là, mon chapelet puis la croix là, que je viens d'acquérir? Donc, on peut l'écouter. Là. Il y avait même un beau message. Quand il a béni ma croix, il l'a regardé, puis il m'a jasé un peu. Puis, bon, il y avait un super beau message autour de ça. Donc, on l'écoute, le message que monsieur avait, le prêtre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben oui, vous avez trouvé quelque chose de beau, là? Ben oui, je voulais savoir si c'était possible de me la rabénir. Oui. Le monsieur m'a dit qu'elle venait du bâtiment que vous quittez, là. Ah, oui. C'est une antiquité, je sais pas. La maison, je ne sais pas. Ben oui, puis en même temps, je peux faire bénir mon... Oui, avec... Ben, le refaire. Ben... Mm-hmm. Alors que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ces objets de piété, et que cette bénédiction aille à tous ceux et celles qui s'en serviront pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben, merci beaucoup. C'est très joli. Hein? Ah oui, c'est magnifique. La personne qui a dessiné ça avait du talent. C'est merveilleux. Et tous nous rappellent que peu importe les blancs, les noirs, les ci, les ça, sont tous enfants de Dieu. Nous formons tous une même famille. Hein? C'est merveilleux. Bien, merci beaucoup. De rien, ça m'a fait plaisir. Votre nom, c'est? Gaëtan Labadie. Bien, je vous souhaite une belle journée. Vous aussi, là. Merci. Donc voilà, je trouvais quand même que c'était un beau message, là, le fait que peu importe notre couleur, on est tous pareils, on est tous ensemble. Donc voilà, c'est ça qui fait le tour de ma visite au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Là, je suis toujours assis dans les marches, dans les bancs de l'église. Je reposais mon genou ensanglanté. Je pense que je suis safe. Là, à ma droite, il y a comme une quinzaine de portes où on peut aller se confesser. Si jamais ça ouvre, ben j'irai me confesser mes péchés. Fait quand même, la dernière fois que j'étais allé à confesse, je devais avoir 12 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans. Non, plus vieux que ça. Je sais pas jusqu'à quel âge j'étais allé à la messe là, avec mon père. Mais c'est de là la dernière fois là, que je me suis confessé. Donc, je vais aller vérifier si je peux aller confesser ces péchés d'aujourd'hui pour être sûr qu'il ne m'arrive rien de mal. Donc, on poursuit le lobster. Plein d'autres choses à vous jaser. Je retourne à la maison et on continue de là. Donc, au revoir et profitez de cette belle journée où Dieu veille sur nous. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that he's one who will never leave you flat. Eh oui, toujours au sanctuaire. Je voulais monter à la petite... Il y a comme une chapelle qui est plus haut dans la montagne. Puis je n'étais pas allé, je viens juste... Je la voyais d'où j'étais assis, mais bon. Je me suis mis à marcher vers la chapelle qui est un peu dans les arbres, dans la montagne. Puis là, mon genou me fait trop mal, je peux pas monter. Un signe que j'aurais pas dû prendre le chapelet. Puis c'est ça, il est arrivé d'autres choses entre-temps. Tu sais, juste après avoir enregistré le dernier petit bout, je me lève. Puis bon, je voulais aller à la chapelle, comme je vous dis. Finalement, j'ai changé mes plans vu que mon genou me fait mal. Je suis retourné juste à la source d'eau. Puis ça me faisait penser, justement, dans la montagne du Mont Rigaud, où le sanctuaire est juste dans le bas, il y a une source d'eau qui sort de la montagne du Mont Rigaud. Puis la source descend où ce qu'ils ont fait leur grotte. Puis eux, ils ont mis comme un tube. Ben, l'eau coule au travers de la grotte. Puis il y a comme un robinet, puis c'est écrit « eau non potable ». Mais moi, quand je marche, je monte sur le mont, j'amène pas d'eau, mais quand je redescends, je sais où est-ce que la source, elle sort de la montagne. Puis bon, tantôt, j'avais le chapelet maudit qui pendait autour de mon cou, puis j'étais penché. Puis là, il y avait juste un petit filet d'eau qui coulait à la source. Puis là, je me suis mis à boire. Puis les trois jeunes dames que j'avais vues sur le dessus ont passé à ce moment-là, puis on a jasé. Puis je lui disais, ben la source, c'est ici qu'elle sort. J'ai dit, on peut en boire, l'eau est fraîche. Puis là, il y a une des dames qui a dit, ben elle dit, je ne boirai pas de l'eau ici, là, mais elle dit, je vais au moins me rafraîchir le visage. Puis là, je me suis dit, en descendant, j'ai dit, check bien si je ne pogne pas une diarrhée de la mort rentre chez nous ou quelque chose du genre. Puis bon, c'est ça, je reviens me rasseoir dans les bancs suite à ma petite visite dans la chapelle. Puis là, je regarde sur Facebook, puis c'est écrit que la ville où que j'habite, c'est écrit « Avis d'ébullition ». Voyons. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Il faut faire bouillir l'eau maintenant. C'est écrit « La ville a envoyé un message il y a 16 minutes ». Fait que je me dis « Crème, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu le Seigneur qui m'envoie des messages? J'aurais peut-être pas dû boire à sa source sacrée avec le chapelet maudit. Pourtant, mon chapelet, maintenant, il est béni. Je sais pas si... un chapelet maudit que tu fais bénir, ça enlève le mauvais dessus. Je sais pas. Peut-être que la personne qui l'avait puis qui l'a mis dans les bras de Marie, il arrivait juste des choses malheureuses. Parce que je vois un monsieur, là, justement, il est avec sa femme puis un autre, ils sont trois, puis il marche en béquille. Fait que c'est peut-être lui qui avait ça autour du cou, puis il est allé l'amener là en disant c'est assez, là, il m'arrive tellement de cochonneries, puis là, je suis pogné avec ça. En tout cas, moi, je le garde. Je pense qu'il est rendu magique. Ça me fait... En tout cas, quand je vais arriver chez nous, j'ai ma... Vous savez, je vous ai déjà parlé, j'ai comme une bouteille là, qui ressemble à une bouteille de génie. Là. C'est la lampe d'Aladin. Puis quand on l'ouvre, moi, je respire toujours cette odeur-là. Puis je pense que ça donne de la chance. Fait que quand je vais arriver à la maison, je vais mettre le médaillon autour puis je vais sentir ça. Je pense que ça va arrêter les mauvaises choses qui m'arrivent depuis que je l'ai volé. C'est quoi je voulais dire d'autre? Non, je pense que c'est ça. Là, je suis assis à côté des choses pour me confesser. Je suis allé voir, finalement. Et bon, je peux pas aller me confesser. Il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangées de 3 portes. Donc, il pourrait avoir 6 prêtres en même temps ou qu'il y a 2 personnes de chaque côté pour confesser, mais c'est pas ouvert. Je pense pas que ça ouvre la semaine. Ça doit être juste le week-end. Donc, c'est ça. Vous, est-ce que vous croyez à des choses comme ça, des signes qui vous sont envoyés? Moi, je crois pas à ça. Mais là, avec le genou en sang et tous les signes que j'ai eu aujourd'hui, je me dis, je vais peut-être mieux faire attention. Bon, Bonsoir et bienvenue à une autre crise de foi hebdomadaire. Cette émission qui prouve que Dieu est partout, même sur le câble. J'ai avec moi aujourd'hui Gaëtan. Gaëtan, toi, tu es détenu pour le meurtre. Ah. Dis-moi, comment as-tu découvert Dieu? Ben moi, là, j'étais dans le champ, puis là, Dieu, il m'a aveuglé de sa lumière, parce que Dieu, c'est comme qu'il roulera tout le temps ses grosses, là, puis ça m'a remis sur le droit chemin. Mais comment décris-tu ta conversion? Ben ça, la conversion, comme que je le dis, c'est comme qu'un char convertible quand tu chiffres, sauf que le char, c'est le Seigneur, puis les wipers, ben ça, c'est la bénédiction. La Vierge Marie, ben ça, c'est l'immatriculée conception. Non, je veux dire, non, l'inoculée contraception, c'est des mots. Oui. Comment la foi t'a-t-elle frappé? Ben c'est comme que Dieu, il m'aurait donné un gros coup de marteau sur la tête, là, puis ça m'a fait une grosse poque de foi. Alors, Dieu, ça serait un peu comme le débosseur. Non, pourquoi? Ah, pour rien, je pensais que... Hey, Jésus, là, le pu de ses entailles, là, il a été remis contre les hommes, entre sa volonté. Ça, c'est la Sainte Trinité, tout est trois. Il y a les trois stooges, puis il y a sept, là, les sept péchés capitaux, les sept nains, seven up, puis toi... Plus 7, ça fait 10, comme les 10 doigts des mains en sang du Christ, les 10 commandements, la dyslexie, les 101 dalmatiens, toutes. Je parle en faribole, là. Évidemment, évidemment. Mais raconte-moi comment Dieu t'a pénétré de sa lumière. Hey, ça, là, je t'en ai d'entendre ça, c'est des préjugés. Nous autres, en dedans, là, on n'est pas tous de même. Puis Jésus non plus, parce que Jésus, il est écœurement correct, ce gars-là. Qui vivrait aujourd'hui, là, je suis sûr que lui, un coffre, là, il t'ouvrirait ça de même. Et comment Jésus t'a-t-il à purger ta sentence? Ben, c'est sûr que je dois dire que moi, avant, j'avais des posters de filles tout nues dans ma cellule, puis depuis, je les ai remplacés par des posters de Jésus. Je purge ma sentence beaucoup moins souvent. Gaëtan, je me suis laissé dire que tu avais écrit des chansons. Hey, c'est qui t'a dit ça, là, le maudit stool que je l'illumine? C'est toi. Ah oui, c'est vrai. Je fais aussi des crucifixes en poterie. Oui, on t'écoute, ouais. Gaëtan. Chante-nous une minute. Je vais te chanter une chanson, ouais, que je me suis influencé de l'épine aux syphiliciens, là, de Matthieu, là, « Va et propage ». Jésus, je t'aime, Jésus, je veux le chanter, le crier. Jésus, je t'aime en crux, Jésus, je te sculpte dans la réglisse. À la semaine prochaine. Trémolo. Oui, à la semaine prochaine pour une autre crise de foi. Mon frère, je vais te donner un point d'amour. Je suis de retour à la maison. Bon, je vous avais dit que je vous expliquerais la signification là, des glands qui tombaient autour de moi dans la forêt. Eh bien, j'ai compris en descendant la montagne, là, le Mont Rigaud tantôt, que pour ne pas recevoir dans l'œil là, ou dans le visage, ben, j'étais obligé, dans le fond, de marcher un peu la tête comme baissée. Puis c'est là que j'ai compris en redescendant. C'est qui marche la tête penchée, hein? Quel signe on fait à l'église, justement, pour respecter Dieu? Eh bien, on baisse la tête, ce sont les repentants. Donc oui, c'était un autre signe, là. Les glands qui tombaient un peu partout autour de moi, ben, c'était pour m'obliger à marcher la tête penchée pour que je me repente. Donc c'était juste un signe supplémentaire qu'on m'envoyait de l'au-delà. Hey, amateur de poulet, viens te régaler au Super Jésus Barbecue. Mon poulet, c'est un vrai miracle. Super Jésus Poulet Barbecue. Ceci est mon poulet livré pour vous. Amen. Bon, quand je revenais tantôt à la maison, puis que je pensais à mon gros four à poterie là, qui était en marche chez nous, bon, j'avais quasiment un peu la chienne. Là, arrivé à quelques kilomètres de la maison, sur l'île Perrault, là, je checkais. Je vérifiais dans les airs là, si je voyais pas de la fumée. J'avais peur que ma maison soit en feu, que ce soit une autre punition là, qu'on m'inflige. Mais non, je vous rassure. Là, heureusement, ma maison était bien là, elle n'était pas brûlée. Puis le four, là, il avait terminé de cuire mes perros. Je faisais cuire une dizaine de perros. Là, je faisais cuire le biscuit. Donc, c'est l'étape avant la peinture. Puis rendu à la maison, bien, j'ai ouvert le four, j'ai laissé la chaleur sortir, puis j'ai pu voir bon, que mes pérous étaient bien cuits, il n'y en avait aucun de brisé. Ça faisait un mois là, qu'ils séchaient. 3 semaines, c'est suffisant, mais je laisse un mois là, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau dans les pérous. Donc, tout semble être correct. J'ai même été respirer un peu de mon air magique, là, de ma lampe d'Aladin, là, c'est mon porte-bonheur. Je me souviens, là, j'ai acheté ça d'un encan de Randall Flanagan il y a quelques années. J'avais eu ça dans une boîte où il y avait plein de cochonneries. C'est une bouteille de parfum après rasage qui a la forme de la lampe d'Aladin. Bon, c'est sûr qu'elle est vide, là. Il n'y a plus d'aftershave dedans là, ou quelques gouttes. Mais chaque fois que j'ouvre et que je sens, là, c'est bon, ça sent bon à l'intérieur. Puis ça me porte chance là, quand je respire cet air. Donc, c'est pour ça que je la garde dans ma cuisine depuis des années. Et bon, j'ai été la respirer. Donc, je devrais avoir de la chance là, qui me suit cette semaine. Ça devrait régler mes problèmes. Aussi, bon, j'ai été voir sur Internet, là, vu que j'étais rendu à la maison, si l'écureuil que j'ai vu, là, qui était un peu fucké après avoir pris possession là, du chapelet, ça pouvait avoir une signification. Puis dans Bible, pas vraiment. Le chat GPT me dit que ça parle pas vraiment d'écureuil, sauf que l'écureuil, bon, c'est un signe qui veut dire préparation, prudence, prévoyance, parce qu'il y a l'habitude de bon, collecter puis stocker de la nourriture pour l'hiver. Donc, je me suis pris une petite note. Bon, faire des provisions pour l'hiver, mais j'en ai fait quand même beaucoup là, avec mon ail qui est ramassé, que je dois ressemer. J'ai ramassé beaucoup de choses du jardin qui s'est congelé au congélateur. Donc, je pense que j'ai déjà fait ce qu'il fallait de ce côté-là. Puis pour l'aigle que j'ai vu sur la montagne quand je montais, puis qui tournoyait autour là, de moi, ça c'est très très clair dans la Bible. Signification qui veut dire... L'aigle et d'autres oiseaux de proie sont utilisés comme des symboles de jugement et de destruction. Donc ça, c'est un autre message que Dieu m'envoyait. En fait, les aigles, c'est utilisé comme des instruments de la colère divine, d'après ce que je lis. On en parle dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 49. L'aigle est utilisé pour illustrer rapidité et l'implacabilité du jugement qui viendra sur terre en raison de son infidélité. Ça dit « L'Éternel fera venir contre toi de loin, des extrémités de la terre, une nation aussi rapide qu'un aigle fondant sur sa proie. » Donc, moi, je lis ça comme étant « Le jugement de Dieu est très rapide. » C'est pour ça que j'ai été puni tout de suite après avoir volé le chapelet. Ça a pas niaisé, paf! Il a essayé de me choper la jambe. Bon, pour l'instant, j'ai juste du mal à marcher, comme je vous disais. Puis j'ai nettoyé avec du savon là, en arrivant à la maison, ma blessure. Question que la gangrène ne pogne pas là-dedans puis que je perde ma jambe. Car, bon, il y a un autre passage de la Bible qui parle de ça, de la mort, justement. C'est dans Jérémie 7, 33. Ça dit « Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura aucune personne pour les chasser. » Donc, un bon lavage au savon pour ma blessure devrait prévenir que les oiseaux du ciel ne me tombent pas dessus pour se repaître. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et pour terminer, oui, terminons avec l'artefact maudit. Terminons avec quoi? Ben, en fait, j'ai été vérifié. Il y a quelque chose qui me chicotait. Je me demandais si le fait d'avoir fait bénir mon chapelet maudit, si ça le rendait safe, parce que là, je l'ai quand même autour du cou. Puis là, ça me faisait penser un peu à Frodon qui transporte l'anneau. Puis je me disais, plus le temps va avancer, est-ce que plus mon fardeau de porter le chapelet ben, pourrait augmenter? Ben là, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas des bonnes nouvelles. On dit, d'après ce que je lis, ça dit, dans la tradition chrétienne, la bénédiction d'un objet par un prêtre ou un ministre est censée invoquer la protection divine et sanctifier cet objet. Si cet artefact est considéré comme maudit ou maléfique, certaines traditions croient que la bénédiction pourrait en effet neutraliser ses influences néfastes. Donc ça, c'est bon. Surtout si l'objet est consacré à Dieu. Bon, c'est un chapelet pour Dieu, donc ça marcherait. Mais là, ce que je lis en plus, il y a un avertissement très clair. Ils disent, dans certains cas, on pourrait aller au-delà d'une simple bénédiction et procéder à un exorcisme, en particulier si l'objet est considéré comme étant fortement lié à des forces occultes ou démoniaques. Donc, je pense que ça, c'est mon cas. Il a prouvé là, le chapelet maudit qui est fortement lié à des forces occultes. Là. J'avais de la misère à marcher 5 minutes après l'avoir passé à mon cou. Là. Puis tous les signes diaboliques que j'ai eus, le serpent, le chant du diable, l'aigle, l'eau qui est imbuvable quand j'arrive à la maison, puis que je dois faire bouillir, ben je pense que ça, c'est assez clair que c'est puissant. Il y a quand même eu assez de calamités là, qui se sont abattues pour moi en moins de 60 minutes pour que je considère là, que c'est un artefact puissant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Faudrait-je faire un rituel d'exorcisme ou de purification? » Dans certaines traditions religieuses ou ésotériques, un simple rituel de bénédiction pourrait ne pas suffire. Mais voyons donc. Il peut être nécessaire de faire appel à des rituels de purification. Ah, OK, ou d'exorcisme spécifique. Donc, c'est ça qu'on va faire. Sur YouTube, j'ai trouvé une petite chanson là, qui est supposée exorciser tout ça. Donc, on l'écoute pour chasser le méchant de mon chapelet. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt malaque libas. Voilà, c'est fait. C'était plus long, là, mais ça donne rien là, d'exorciser trop longtemps. Là. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait que la croix sainte soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Arrière, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Ce que tu présentes est mauvais. Bois ton propre venin. Le petit bout qu'on a écouté, c'est ça que ça disait. Puis bon, je pense que c'est réglé. J'étais curieux. Je suis aussi allé voir sur Internet, dans Donjon, les livres de Donjons Dragons, les impacts des objets maudits et tout ça. Là. Parce que j'aime bien Donjons Dragons. Puis c'est drôle, il y a une table qui dit qu'il peut y avoir des avantages ou des inconvénients à posséder un objet maudit. Ça dit, il y en a certains qu'on ne peut pas se débarrasser. Il revient tout le temps. Donc, je ne sais pas si mon chapelet, si je le donne à quelqu'un, ben, il va me revenir de toute façon s'il est maudit. Mais là, c'est ça, il y a une table de dessins pour voir les inconvénients. Puis, regarde, j'ai des dés à côté de moi, on va les tirer. Qu'est-ce que ça peut faire? Il pourrait, par exemple, si j'ai de 22 à 25, la peau du personnage change de couleur. Oh. Mais ça, elle change déjà cet été, là, quand je grille quand même au soleil. Bon, en tout cas, ça, c'est mon... si j'ai 35, le personnage contracte une maladie aléatoire incurable. Ça, j'espère pas pogner ça. 46 à 49, le personnage a une peur paranoïaque de perdre son objet ou de l'abîmer. Bon, je pourrais virer paranoïaque. Quoi d'autre? 61 à 64, le personnage gagne un niveau négatif, donc je pourrais régresser. Donc, on y va. Je vais tirer ça. Mon dos, j'ai eu 0 sur mes dizaines, puis j'ai eu 3 sur mes unités, donc ça donne 0,3. 0,3, c'est le premier. Les cheveux du personnage poussent de 2,5 cm par heure. C'est quand même le fun. Bon, c'est écrit inconvénient, mais quand même, moi, j'ai plus de cheveux depuis un bout de temps. 2,5 cm par heure, par exemple, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que le matin, disons que je dors 8 heures, 8 fois 2... Ça donne 16 cm de cheveux. Alors, le matin, je me réveille avec une crinière là, de chanteur heavy metal. Quand même, c'est bon, je passe ma journée. Puis le soir, je recoupe avant de me coucher. Fait que, bon, espérons que c'est ça avec mon chapelet. Puis que c'est pas de me blesser tout le temps. Donc, voilà, j'espère que c'est terminé là-dessus. Si vous voyez que le Lobster 154 est long à sortir, bon, vous saurez que la colère de Dieu, là, s'est peut-être abattue sur moi. Donc, quand même, merci à l'avance là, d'avoir été là avec moi tout ce temps. Sinon, bon, tant que ça se tient, ben, on part au retour. On part en musique. Et au retour, je vous parle de morée. Oui, j'ai oublié de vous en parler tantôt. Et oui, on fait encore pousser une nouvelle sorte de champignon au chalet. Bon, j'ai quelques mots à vous dire là-dessus. Donc, au retour, on en parle. Je suis en romance. Elle vous donne son amour. Oh, oh, sans romance. Une nuit, un jour. Na, na, na, na, na, na. Et oui, on vient d'écouter le groupe Nuance. C'était la La chanson Amour sans dépendance. Non, sans romance. Oui, oui, on recommence. C'était la chanson Amour sans romance de Nuance. Et oui, un groupe bon qui a eu de ses bons succès. Mais bon, on n'a pas entendu parler. Sandra Dorion a refait un album, je crois, en 91, si je vérifie. En 2011, l'album Tel Quel, c'est un album solo qu'elle a fait. J'ai écouté les chansons, c'était pas de mon goût vraiment, là. C'était un nouveau style. Et l'album ne se trouve même plus là, sur YouTube. Il a été retiré, droit d'auteur. Donc... Est-ce que c'était bon? C'est peut-être pour ça qu'on l'a retiré. Ça n'avait pas l'air très bon. Mais bon, on peut voir des vidéos où ce qui en parle, puis on entend. Puis... Bon, de retour dans le Lobster 153.0. Je voulais vous parler en fin de Lobster. Je vous n'avais pas parlé en début. Ce week-end, quand je suis descendu au chalet, mon aller-retour, là, j'étais là... samedi, dimanche, j'avais descendu du mycélium de morille. Les morilles, c'est un des meilleurs champignons là, au Québec qu'on peut trouver au printemps. C'est d'après ce que je les disais, ça sort juste au printemps. Il y en a, nous, au chalet, mais je ne sais pas, ils sont où, les talles de morille. Notre voisin qui nous a montré là, comment cultiver les pivoines, là, il est décédé maintenant, puis il connaissait où il savait où il y avait des talles de morille. Puis avant de décéder, bon, il a légué ses secrets à ceux qui ont acheté sa maison. Mais nous, on ne le sait pas. On est les voisins. On ne sait pas, ils sont où, les talles de morille. Mais là, j'ai acheté du mycélium de morille. On peut le commander durant l'été. Puis on le reçoit en septembre parce qu'il faut inoculer ça. Ça a l'air avant les gels, avant la neige, pour que ça soit prêt pour sortir au printemps. Donc, combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 65$. Je pense que la boutique, c'est Violon Compagnie. Cette fois-là, je peux aller le chercher moi-même là, à 2 heures aller-retour. Je l'ai fait venir par la poste. Donc, c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Je pense qu'il y avait 20$ de frais. Donc, 65$ avec les taxes, livraison incluse. Pour le sac, qui pesait 2,2 kg. Cette fois-là, le mycélium, il n'était pas dans des copeaux de bois. Il était inoculé, je pense, dans du blé. Puis, on a lu sur Internet, ma mère avait regardé sur Internet qu'on pouvait semer ça. Là, il y avait différentes techniques, que ça émet les pommes, que ça émet la cendre d'un pH bas. C'est ça, quand tu mets des cendres dans la terre, ça diminue le pH. Un peu comme quand il y a des feux de forêt au Saguenay, bien, les bleuets, ils poussent par la suite parce que eux, ça aime un pH bas. Donc, il y a beaucoup de cendres, puis ça... Quand les arbres disparaissent, ben c'est le bleuet qui ressort. Fait que dans les brûlés, il y a beaucoup de bleuets qu'on peut cueillir. Donc voilà, nous, on a semé... on a comme un bac en dessous du patio. Donc, c'est à l'abri de la lumière. Quand il mouille, la pluie passe au travers du patio, tombe là-dedans, ça reste humide. Parce que c'est une des conditions, ça lime l'humidité. Fait que là, on a mis des copeaux de bois. On a mis la cendre. On a mis... le mycélium, et par-dessus on a mis des pommes et on a mis de la terre qui recouvre tout ça. Puis là, on a recouvert d'une bâche bleue, le genre de tissu là, qui pour protéger là, que les mauvaises herbes sortent. Nous, on l'a mis par-dessus, on a déjà par en dessous pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes, mais par-dessus on a mis pour pas que les bébêtes viennent manger les pommes, parce qu'on a déjà vu qu'il y a quelque chose qui creusait là, dans notre bac à... parce qu'on avait essayé aussi les shiitakes là, dans ce bac-là. Fait que là, on a essayé les morilles dedans, mais on a vu qu'il y a une bête qui était venue creuser. Puis aujourd'hui, mon père m'a dit qu'il avait vu la bête qui était venue creuser. C'est un renard. Il l'a vu aujourd'hui. Donc, pour protéger du renard, on a mis simplement de la toile textile par-dessus pour protéger. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos des champignons. Je vous en reparle au printemps. On verra si ça a fonctionné. Je suis aussi allé en mettre dans la forêt. Je n'avais gardé un peu dans le fond du sac. Puis je suis allé directement dans la forêt. Puis où il y a des endroits que des champignons poussaient, je me suis dit c'est des bons spots à champignons. S'il y a déjà eu des champignons qui poussaient là. Donc j'ai creusé des trous et j'ai mis du carton dans le fond, du carton que ma mère avait désinfecté la dernière fois qu'on a semé du mycélium. J'ai mis par-dessus le mycélium par-dessus le carton, j'ai mis des pommes et j'ai renterré. Pourquoi j'ai mis du carton? Parce que il y a de la cellulose là-dedans, puis les champignons, le mycélium aime bien manger tout ce qui est sucre, donc il se nourrit de ça, donc le carton c'est bon pour lui, puis les pommes aussi, c'est ce qu'on avait lu, là, qu'il se nourrirait des pommes, c'est pour ça que j'ai mis quelques pommes. Fait que j'en ai mis à trois endroits dans la forêt, j'ai mis des bâtons pour savoir où ce que c'était, ma mère m'a donné des petits bouts de bambou, donc j'ai mis ça là, par-dessus, puis on verra au printemps là, si ça pousse aussi bien en forêt que dans notre carré qu'on a fait. Bon, sinon, pour terminer ce Lobster, j'avais une dernière chose. Je voulais vous faire jouer la bande-annonce d'un film. La bande-annonce est sortie quand? Elle est sortie il y a 10 jours seulement. Donc, elle est sortie le 6 septembre. Essayez de deviner de quel film est la bande-annonce. Je vous en parle au retour. Truc. Ici, vous pouvez créer tout ce dont vous rêvez. Vous êtes qui? Moi? Moi, c'est Steve. Pff, ouais, d'accord. Ce mec a l'air complètement débile. Bon, avez-vous deviné? Moi, juste à écouter la bande-annonce, je pense pas que j'aurais deviné, mais en regardant les images, on voit tout de suite que c'est le film Minecraft qui s'en vient sur nos écrans au mois d'avril 2025. C'est la première bande-annonce. Celui qui doit jouer le rôle de Steve, c'est Jack Black. Qu'est-ce que ça dit dans le synopsis? Attends, si je vais voir le Minecraft, le film. C'est un film américo-suédo-britannique réalisé par personne. 2025 qui sort. Quatre marginaux, Garrett, Henry, Nathalie et Dawn, sont projetés à travers un mystérieux portail menant à un monde de vagues créations en cubes. Pour entrer chez eux, il leur faudra apprendre de ce monde tout en s'engageant au rang d'un expert et fabricateur de cubes, Steve, pour faire une aventure aussi délirante que dans le monde cubique qu'est Minecraft. Bon, c'est mal écrit. Sûrement l'intelligence artificielle qui a traduit quelque chose. Là, puis que... C'est drôle, cette page-là de Minecraft, le film, sur le Wikipédia. Je suis allé le voir la journée que le film est sorti, puis quelqu'un avait créé la page, puis tout ce qu'il avait écrit. Il ne faut pas que cette merde voit le. Non, il ne faut pas que cette daube voit le jour. Sûrement en français, parce que c'est un mot qu'on utilise très peu au Québec. Mais il y avait quelqu'un de fâché qui avait édité la page Wiki, puis qui avait écrit des niaiseries. Puis là, bon, ça a été corrigé par la suite. Mais on a toute la fiche technique, on a tout le reste. C'est un projet, ce film-là, qui, je sais pas si je pense pas, je n'ai parlé dans l'autre par Lobster, mais en tout cas, si je l'ai fait, désolé. Mais c'est un projet là, qui avait débuté il y a longtemps, puis ça a débuté, je pense, en 2012. Le projet, les studios Mohan, ils avaient reçu des offres pour faire un film. Nanana. C'est quelque chose qui a traîné, il y a eu la COVID, tout ça. Puis là, bon, ils sortent le film en 2025. Mais bon, c'est... Moi, d'après les images qu'on voit dans la bande-annonce, ça a l'air très beau. Ça a l'air vraiment du Minecraft. Là, on voit les blocs, un beau paysage de blocs. Mais sauf que, bon, si tu vois les personnages qui sont habillés un peu bizarres, puis qui se promènent dans des images de synthèse, là. Fait que je sais pas ce que ça va donner à l'écran. C'est sûr qu'on voit les creepers dans la bande-annonce, on voit les moutons, on voit on voit les choses, l'amas, on voit les choses qu'on voit dans Minecraft, là. Toutes les codes de Minecraft semblent être là. On voit ça va se passer contre les cochons. Là. Il y a quelque chose à aller faire contre les cochons. Avec les explosions et tout ça. Bon, ça a l'air bien. Moi, je pense que je vais l'écouter. Que ça soit bien coté ou pas. En tout cas, je verrai. Donc voilà, c'est pour le film Minecraft qui doit sortir 2025 avril. Sinon, il y a un autre film au cinéma, c'est la suite de Beetlejuice. J'aurais voulu aller le voir ce soir au cinéma, mais bon, je viens de me rendre compte qu'il est 8h moins 10, puis à mon cinéma, il passe à 7h. Fait que là, je suis en retard, j'irai demain. J'ai encore congé lundi, mardi, donc il me reste demain, c'est mardi, j'ai encore une journée de congé. Peut-être que j'irai demain dans la journée. Donc, si j'y vais, je vous en reparle. Et voilà, ça va mettre fin à cet épisode de l'artefact maudit. C'est drôle, j'écoutais d'autres podcasts cette semaine, puis un des podcasts que j'écoutais avait fait un spécial paranormal. Puis là, je me disais, faudrait que j'en fasse un moi aussi, mais j'avais rien à raconter. Mais là, aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé, l'épisode m'est tombé dans les mains tout cuit. Donc, c'est pour ça que je l'enregistrais aujourd'hui pendant que ça se passait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. J'avais déjà écrit la suite. Je pense que j'ai déjà deux lobsters. Ben pas d'écrit, là, mais de schématiser, de préparer. Mes répertoires sont prêts avec les choses dont je voulais vous parler. J'ai déjà plein de sujets de quoi je voulais vous parler dans les prochains. La voix de Dark Vader est morte. Ah! Le jour où le vent a soufflé à plus de 408 km. Ah! L'oiseau des marais américains qui a disparu. Ah! 8 destinations intéressantes que les futurs touristes pourront voir sûrement. Ah! Je pense pas que j'ai parlé de ça. Moi non. Ça a l'air d'être dans P, mais j'en ai-tu parlé? En tout cas, on verra. Dans le Lobster 154 qui viendra bientôt, je pourrai faire le tri dans ces sujets. Je pense que je prépare trop de choses. J'oublie qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai jasé puis de quoi j'ai pas jasé. Parce que là, des fois, quand je suis en vacances, comme ça, il me pop une idée. Puis là, comme l'autre jour, c'était pas prévu l'affaire des chansons avec nos noms, ben je l'ai enregistré avant ce que j'avais préparé. Donc, c'est pour ça que je viens tout mélanger. Donc voilà, bonne fin de Lobster. On se revoit la semaine prochaine. Saint-Scolastique ou Parc Forillon fait la partir de bon matin pour les touristes ou leurs avions. On est toujours dans le chemin. Les gens ont perdu leur maison, leur terre et puis leur pays. Tout ce que j'ai pu faire, c'est une petite chanson qui ira pas plus loin qu'ici. L'ombre d'ombre dit lila, l'ombre d'ombre dit lila, dans l'or, il y a un moulin qui empoisonnait tous les Indiens. Apparemment, ça répondrait vraiment à un besoin. Bon, on lui demande après ça de regarder le bon côté de la vie, de plus chasser, de plus pêcher, d'arrêter de faire des petits. Il y aurait ni tête ni pied, pourrait pas travailler dans le pâté papier. Il y aurait ni tête ni pied, pourrait pas travailler dans le pâté papier. Va-t-il falloir attendre qu'ils démolissent toutes nos maisons, attendre d'empiler nos débâtisses en carton? Va-t-il falloir attendre quand tu fous des draps de famille, attendre d'avoir la corde au cou, les mains bien attachées? Mais on n'a pas su de misère, il nous ferait l'enfer avant de se révolter. On n'a pas su de misère, il nous ferait l'enfer avant de s'organiser, ouais. Les étudiants objectivement s'inquiètent pour passer le temps. Ils gardent la connaissance entre eux comme les riches en argent. Ben, on signe rien qu'une pétition, c'est pas bien risqué. Y'a pas de danger qui voit ton nom sur des feuilles tout frippées. C'est là qu'on se cache la face pour faire nos grimaces sur des bouts de papier. C'est là qu'on se cache la face pour faire nos grimaces sur des bouts de papier. On s'est regardé à bout portant le nombril au premier plan. On sait qu'on est du monde peureux avec un bel accent. On sait. Mais va-t-il falloir attendre qu'ils viennent nous chercher comme des bœufs? Quand on sera rendu rien que la viande, on sera pas moins nerveux. Mais on n'a pas su de misère, il nous ferait l'enfer avant de se révolter. On n'a pas su de misère, il nous ferait l'enfer avant de s'organiser, oui. Et